Du bateau, Non, du vaisseau, puisque vous êtes sur Galaxy Radio ce soir. C'est Sans pleurer, sans reproche qui démarre, avec comme d'habitude son lot de bonnes électro, plein de nouveautés ce soir, une tonne de nouveautés, et plein de petites anecdotes croustillantes à vous raconter pour l'agenda. Et bien sûr, l'équipe au complet, Walter est là, et d'ailleurs, comment vas-tu Walter? Ça va, et toi? Je vois que tu as le sourire là, tu as passé un bon week-end à Amsterdam. Ouais, carrément. Plein de belles choses. Il y en a qui partent en vacances pour faire bronzette. Moi j'ai bronzé, mais du cerveau et du cœur. Donc franchement, c'est vraiment très très bon. Voilà, on vous raconte tout ça tout à l'heure. Revenons-en plutôt à ce qui vous attend ce soir, la prog de Sans pleurer, sans reproche. Au sommaire, eh bien, comme d'habitude, notre sélection de la semaine. J'ai donc sélectionné le dernier album de Funkervogt, un célèbre groupe allemand qui mélange EBM, musique industrielle, et un peu à la manière d'une marche militaire, on va dire une légion EBM que proposent à travers leurs albums les Funkervogt. On s'écoutait Labyrinthe, issu de l'album Double Album, puisqu'il est accompagné d'un album de remix. Donc ça s'appelle Final Construct et c'est paru chez Reaper Records. C'est de la promo, on est très heureux de vous le présenter ce soir. Ah, les invités arrivent. Eh oui, vous êtes en direct, en vivant sur Galaxy Radio, comme chaque lundi soir de 20h à 22h. Bah écoute, en parlant de sélection de la semaine, lundi passé c'était un non-stop. Et en sélection de la semaine, je vous avais réservé un album que j'aimais beaucoup, c'est Liebe Über Alles de Resistor. Resistor, c'est le projet du Colombien Leonardo Jaime, qui visiblement a trouvé sa moitié fan de BM et nous propose un album au sujet éternel qu'est l'amour. Leonardo qui a commencé sa carrière musicale en 2011 et on a pu le découvrir grâce à son album sorti chez Electro Commando Product en 2020, qu'on avait largement diffusé d'ailleurs. Il a même signé pour un EP chez Black Laser Records. Ils ont déjà joué plusieurs fois en concert dans leur pays, bien sûr, notamment en compagnie de Struck 9. Je pense que d'être accompagné par quelqu'un lui a permis d'être beaucoup moins cliché que d'habitude. Et ça donne un album assez varié, très agréable à l'écoute des 10 morceaux présents. Pour ce mois de juin 2024, c'est la deuxième sortie EBM du label Scanner. Et c'est aussi une deuxième sélection de la semaine pour Scanner chez Sans pleurer, sans reproche. S'écoutera le morceau Reject My Heart de l'album Liebe Über Alles. Puis on continuera avec une sortie qui est pour moi une sorte de blockbuster, même si c'est pas EBM. C'est le dernier album de Ximox, Exodus. On s'écoutera Blood of Christ. Et on retrouvera une nouveauté de chez Scanner.

C'était en tout premier Resistor avec Reject My Heart de l'album Lieber Uber Alles. Ça sort chez Scanner, c'était notre sélection de lundi passé. Juste après Klein Oxymox, le morceau Blood of Christ du 18e album des Néerlandais de Oxymox, pardon. Oh, le rototo. Ouais. Ça s'appelle Exodus et c'est sorti chez Metropolis Records. Ronnie Moorings a encore accentué le côté sombre de sa musique qui, pour le coup, sur Exodus, est vraiment acoustique, laissant très peu de place à la musique digitale. Vous le savez, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il faut absolument rendre hommage à un groupe comme Eximox, ce que je fais avec grand plaisir sur cet album dont on diffusera deux titres. C'est un album assez conceptuel, hein. On constate que Ronnie nous expose des tranches de vie et son regard sur l'actualité. Puis on a fait un petit retour sur le label Scanner qui est très actif en ce mois de juin avec la sortie de Innate. C'est le 8e album de Mechanical Moth. Musique uniquement composée de vrais synthés en dur et avec une vraie batterie électronique. Mais l'instrument principal de ce groupe, c'est la voix de Ivy qui surpasse toute la musique sur cet album. On peut noter un morceau collaboratif avec Intent Outtech et Funkervogt et surtout une nouvelle avancée dans les procédés techniques de création musicale. On s'est écouté Date with the Devil. Pour ma part, j'avais préféré l'album précédent Mirrors que j'avais diffusé en sélection de la semaine. Tu vois Greg, j'ai quelqu'un à côté de moi. Ouais, effectivement, dans le sommaire, on a omis d'annoncer la venue de quelqu'un qui a souvent été présent dans les playlists de Sans Pleurer Sans Reproche et même à l'initiative de quelques émissions spécifiques autour des années 80. Synpop 80, qu'est-ce que ça vous dit? Tac, tac, tac, tac. Oui, c'est lui, Jean-Luc Marchal avec nous ce soir. Salut Jean-Luc, ça va? Ça va, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, ça roule. Ouais, toi t'es en plein road trip autour de la planète. Et... de la planète, de la France déjà, pour commencer. Et donc voilà, tu atterris chez nous ce soir à Waterloo, voilà. À Galaxy Radio. Bah, mais écoute, merci beaucoup. Justement, en sachant que t'allais certainement passer ce soir, eh bien j'avais prévu dans mes séquences, j'ai éparpillé des petites choses qui vont te concerner indirectement ou presque directement. Donc tu vas m'accompagner pour présenter certaines choses. Bah, avant de ça, je vais peut-être te laisser un peu la parole et te demander quoi de neuf pour l'émission de radio, ton association, etc. Comment ça se passe? Comment ça évolue? C'est une pop 80, c'est un peu en désuétude, on va dire. Non, j'ai plus trop eu le temps de m'en occuper. J'ai été pris quand même pas mal par l'émission 80 sur ONIB Radio. Ouais. Et puis, ouais, je me suis amusé aussi à faire quelques petits remix, extended et autres. Et donc, ça m'a pris pas mal de temps. Donc, voilà, je vais relancer sûrement. Mais bon, j'avais envie de voyage là un petit peu. Donc, je suis un peu parti quelques fois à l'autre bout de la planète. Et notamment avec les Daguest que j'ai accompagnés. Jusqu'au Japon? Au Japon, j'ai pas été. Ah. Non, je ne suis pas allé. J'étais avec mes enfants en Italie. Mais j'ai été au Canada avec eux. J'ai été à Barcelone, à Malte. Donc, ça fait déjà pas mal. Ça ouais. Fait rêver d'être ouais. Jean-Luc Marchal, je trouve. D'autant plus que tes voyages, mais aussi ton activité de remixeur, tu t'es plongé là-dedans. C'est un exercice pas évident, je pense, quand même. Hein. Mais en tout cas, tu fais, tu crées, ça c'est sympa. Je t'envie un petit peu là-dessus. Ouais. C'est un rêve. C'est un peu par hasard, c'est Holger du label Visit Records qui m'avait demandé, qui avait écouté un de mes remixes que j'avais fait de Parade Grande. Et il m'avait dit, on va faire une compile, est-ce qu'on peut la mettre dessus? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Et puis de fil en aiguille, il m'a dit, mais il y a tel groupe qui vient de chez nous, est-ce que tu peux faire un remix? Ok, et puis deux. Puis j'en ai encore sous le coude, hein, qui ne sont pas encore sortis, mais il y en a encore quelques-uns. Bah, à l'affiche, tu épingles Signal Out 42, j'ai fait ça. Comme ça, parce que j'aimais bien le titre. In Black, qu'on va écouter ce soir d'ailleurs. Ouais. Je l'ai sélectionné parce que je savais que tu venais. Mmh. Et on va en parler aussi de ce remix. D'ailleurs, je te propose de commencer à présenter la séquence qui va arriver. On a reçu pas mal de promos qui s'entassent petit à petit et le temps passe vite, comme tu l'as précisé. Ce soir, je vous propose pour démarrer le groupe britannique issu des années 80, Attrition. Il nous a envoyé le dernier album qui s'appelle The Black Maria. paru sur son propre label Two Gods, et on s'écoutera La Plage titulaire. Ensuite, Lene Lovitch, nouvel extrait du sublimissime box 3 CD Toy Box, paru chez Cherry Red Records. On s'écoutera le titre Glacial et très minimal, The Freeze. Et pour terminer, le fameux Inception in Black, le titre Voyeur que tu as l'occasion de remixer. D'ailleurs, sur ce, ça provient du EP que Auger Anratz m'avait envoyé de Vooz Records, et j'ai découvert que tu faisais des remixes. En écoutant j'ai découvert ce moment-là. Donc bravo. Merci. Et donc ce sera Voyeur, c'est le titre qui est décliné en 4 remixes, dont le remix de Jean-Luc Marchal et 2 autres versions. Là, ça sera la version originale. Bah écoute, on s'écoute ça, Jean-Luc, et puis on reviendra sur d'autres références. Tu vas voir, ça va te plaire, vraiment. D'accord. C'est merci. Parti. C'est parti. Attrition, Lene Lovitch et Inception in Black. Thank you. would that feel? Voyage. How would that feel? Voyage. How would that feel? Séquence dédiée aux artistes britanniques, des créateurs de style, des fondateurs de la période de post-punk, new wave et expérimental. On a démarré avec Attrition, Martin Bowes, qui depuis 40 ans nous propose des productions extrêmement originales. Et le dernier album qui s'appelle The Black Maria comporte bien certaines choses qu'il a déjà sorties ou déjà jouées en live et qui se retrouvent donc synthétisées sur cet album The Black Maria. On s'écoutait la plage titulaire. Le label c'est Two Gods, très facilement trouvable sur Bandcamp. C'est le lien qu'on vous propose pour trouver facilement les productions de Attrition. Très particulier, expérimental, un peu jazzy, électro. C'est vraiment quelque chose de particulier, très original, mais très captivant également. Très hypnotique, The Black Maria, Attrition, bonne nouveauté. On a enchaîné avec des gens qui, à l'époque, devaient connaître Martin Bowes, puisque ça a été un producteur éminent qui a donc même travaillé avec Depeche Mode en 83, donc c'est pour vous dire. Lenny Lovitch, qui ressort bien les trois premiers albums de Toy Records, je crois que c'était même leur label maison. Tout ça regroupé sur un superbe coffret triple CD qui s'appelle Toy Box. C'est paru chez Cherry Red Records. On s'écoutait le Glacial The Freeze. Lenny Lovitch, forcément, ça fait penser également à un autre artiste, Morgan King, qui est donc le batteur et compose également pour Lenny Lovitch. Il a également beaucoup travaillé sous son propre nom ces derniers temps et travaille dernièrement sur un projet qui s'appelle Inception in Black. C'est avec ça qu'on a terminé la séquence. Le titre Voyeur en version originale, extrait du EP digital Voyeur, paru chez Vos Records. Enfin, sur ce EP, on retrouve, comme je le disais, donc un remix exécuté par Jean-Luc Marchal, qui est avec nous ce soir. C'est notre guest, notre pote invité. Et je voulais savoir comment s'est passé ce remix, comment tout ça est arrivé en fait, voilà. Ah ben, comme j'ai dit, j'avais fait un remix de Parade Grande, comme ça, par plaisir. Et comme Holger, comme ils sont aussi chez Holger, ils sont signés chez Holger, ils cherchaient un titre original, on va dire, de Parade Grande pour mettre sur une compile. Mais comme ils n'ont plus sorti de nouveaux titres depuis quelques temps, il m'a dit « Ah ben, j'ai écouté ton truc, est-ce qu'on peut le mettre ?» J'ai dit « Ouais, ok. » Et puis de fil en aiguille, il m'a demandé de faire des remixes pour des artistes qui sont chez lui. Plusieurs qui doivent encore sortir d'ailleurs. Et puis j'en ai fait pour Symphonic Noise Cult. Oui, qui est d'ailleurs avorté. Hein. Je crois que la collaboration avec ce groupe a été avortée. Exactement. Et puis voilà, il m'a dit « J'ai aussi Inception in Black, ça te dit quelque chose ?» Non, à premier abord, ça ne me disait rien. Tu vois. Puis il me dit « Oui, c'est avec Morgan King. » Ah, je dis « Je connais Morgan King. » Ah, non, ok, d'accord. Et puis je regarde un peu. Et puis je dis « Ah, mais c'est avec Marina Vesic qui est avec lui aussi dans les Novich Band. » Et donc, je dis ouais, ok, j'ai carte blanche, ouais, tu fais ce que tu veux. Ouais, ok. Donc voilà, c'est parti comme ça. Comme je dis, il y en a d'autres qui vont suivre, mais ouais, qui sont en boîte depuis longtemps, ils ne sont pas encore sortis, mais ça devrait venir. Bah d'ailleurs, on avait programmé ton remix sur un non-stop, je crois, il y a quelques mois. Donc on peut retrouver ça sur la page Mix Mixcloud ou les différentes pages de podcast de Sans Pleurer Sans Reproche, dont on vous rappellera tous les détails durant l'agenda. Ouais. Ou sur le Bandcamp de VZ Records. Ouais. Vous Records. Vous voilà. Records. Holger Ratz, qu'on salue et puis que je remercie. Ouais, moi aussi. C'est quand même un personnage particulier. Hein. Ouais, mais il est génial. Enfin, ouais. Moi, je m'entends bien avec lui. Voilà. Et ça fait quoi de voir son remix paraître sur un vrai maxi? Je savais que ça allait. C'était prévu. C'était prévu. Donc, je sais pas. Maintenant, je suis pas le roi des remix non plus. Hein. Je suis pas musicien. Je suis pas un vrai musicien, un vrai remixeur comme Nicolas Lanois ou des gens comme ça qui, eux, sont vraiment des musiciens. Moi, je suis bidouilleur, quoi, plutôt. J'appelle ça de la bidouille, quoi. Mais voilà. Ouais, ça fait. C'est toujours plaisir, quoi. Bah, c'est flatteur. Comme quand t'as ton nom sur une pochette ou dans les remerciements, tu te dis, ça fait plaisir. Maintenant, je shoote pas au plafond non plus en me disant, c'est super. Mais moi, j'adorerais pouvoir faire un remix d'un artiste. J'ai déjà essayé, notamment avec mon fiston, et franchement, c'est très, très difficile. Ah oui. C'est un exercice super difficile, quoi. Ouais. Bah, j'avais déjà fait des petits essais avec des trucs pour Dagaist, quoi. Qui ne sont jamais sortis officiellement, mais qui ont leur petit succès sur Mixcloud. Quoi. Je les ai postés avec l'accord de Davidé, et ça tourne. Quoi. Et ton truc, c'est les Extended. Hein. Extended à la 80s, quoi, comme on disait avant. Je suis plus Extended que Remix, parce que pour faire du vrai Remix, il faut... Il y a de l'additionnel dessus, quoi. Il faut de la production additionnelle, donc il faut des claviers, il faut du matos, et puis il faut surtout être musicien. Enfin... Mm-hmm. Si t'as pas vraiment de connaissances en musique, ce qui est mon cas, moi je suis juste un passionné de musique, mais musique je connais rien. On est pareil, tu sais, nous on sait pas créer, on sait juste écouter, voilà, apprécier. Mais bon, c'est déjà pas mal. Bien sûr. En tout cas, félicitations pour ça, c'est super. Ouais. Voilà. Et on va revenir sur d'autres trucs dans les prochaines séquences de cette émission. On te remercie pour ta présence avec nous encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Hein. Et recevoir toujours aussi bien. Ah bah écoute, c'est normal. Voilà. On est des grands passionnés et on partage cela ensemble, c'est très bien. D'ailleurs, on le fait tous les lundis soirs sur Galaxy Radio. Walter, écoute, je vais te passer le relais de l'émission avec une nouvelle séquence. Ouais, on va commencer par ELM et son morceau New World Order NWO en Conformity Mix. C'est tiré de la Soundform de Matrix volume 24 qui sort chez Alpha Matrix. Une compilation qui commence vraiment fort bien dans le domaine EBM avec des groupes comme Selector, muni d'un remix des Anglais de ESA. Il y a donc ELM, Aesthetische, First Aid for Souls, To Avoid, Cubic. Et le contenu se dirige vers une musique synth-pop de moyenne qualité sur le deuxième volet de la compilation. Mais c'est Len Demer qui nous a fait cadeau de cette compilation quand il est venu ici dans les studios de Galaxy Radio pour son interview. Et ça nous fait plaisir de relayer ce genre de compil, d'autant que ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas diffusé des Sons for the Matrix. On continuera avec une nouvelle de chez Art of Factor Records. Elle s'appelle Lis Morque. Puis on terminera par une nouveauté de chez Anzen. I'm gonna be the gasoline and the match that's on the fire to light this shit back up. And I'm gonna light it back up. I'm telling you, gasoline. We're gonna pour some gasoline on this shit. Oh, quelle séquence nous a réservé Walter avec Helm, Lys Mork et Anatoly Greenberg et Andreas Davids. Mais bon, Walter va nous en dire un peu plus. Voilà, il s'installe au micro et ça va être à lui de jouer. Vas-y, vas-y. Juste à l'instant, c'était Anatoly Greenberg et Andreas David. C'est encore une très belle coopération entre Toki et Andreas David, qui n'est autre que l'acteur principal de Xotox. Ils ont sorti un album, Inspired by a Tragedy, chez Anzen. Ici, il n'est pas question de saturation ou autre rythme industriel effréné. Mais cet album, Inspired by a Tragedy, fait référence au crash d'un petit avion, à l'image que peut donner les cœurs meurtris et sans vie après le crash, ce qui donne réflexion aux accidents soudains de la vie. Enfin bref, on s'est écouté le morceau The Night. Juste avant, Lys Mork, c'est une nouvelle venue dans la sphère Artifact Records. Elle nous présente son premier vrai EP sous le nom de Knife Therapy. Elle se dit fan d'autres groupes présents sur le label Artifact en faisant référence à Kanga, Gold ou Ken Mode. Mais la musique de cette Barcelonaise est beaucoup plus acoustique que ça. En fait, elle aime beaucoup les variations sur chacun de ses morceaux et alterne des choses acoustiques avec des relances électroniques, voire techno à certains endroits, ça fait vraiment effet. On s'est écouté le morceau Wrong Places. Et en tout premier, notre suédois, belgo-suédois préféré, Peter Helm, avec le morceau NWO en Conformity Mix, de la Sounds for the Matrix 24. Merci encore à Len Le Maire de nous avoir offert cette compilation. Len qui a beaucoup apprécié la Pélican, voilà. Ah, mais je crois qu'il aime bien tout. On le salue. On va passer tout simplement la sélection de la semaine. On va vous réserver un deuxième extrait issu d'une promo qu'on a reçue du label Ripple Records. Il s'agit d'un label qui a été créé et fédéré par les membres de Funkervogt, enfin d'anciens membres, puisque certains se sont mis en retrait et il y a eu beaucoup de changements derrière dans le line-up et même pour ce nouvel album qui s'appelle Final Construct. En l'occurrence, le départ de Chris L, dont le chanteur de Agonoise, qui laisse place maintenant à un nouveau chanteur qui s'appelle Bastian Polak, de qui j'ai vraiment très peu d'informations. Et Funkervogt se retrouve cette fois-ci en trio. L'album est décliné dans de nombreuses versions, cassettes, vinyles, box pour les fans, pour le fan club de Funkervogt. C'est vraiment des petites choses très sympas. Même en cassette audio, on voit des exclusivités qui sont sorties. Et l'album, figurez-vous qu'il est encore une fois très surprenant. Après avoir parlé du thème de l'invasion extraterrestre, Funkervogt revient à des basiques. Et bien les conflits qui se déroulent, notamment en plus en ce moment, pas loin de chez nous en Europe, la guerre, bien sûr, l'apocalypse qui montre son nez à chaque fois de plus en plus. C'est très très inquiétant et donc ils synthétisent tout ça dans leurs chansons avec parfois une sorte de BM qui sous forme de marche militaire avec des chants qui pourraient être chantés par des légions. Il y a un côté un peu lourd, c'est parfois aussi mélodieux, mais c'est un peu massacré justement par ce côté un peu agrotech que proposent également les Funkervogt dans leur musique. C'est particulier, en tout cas la source c'est le BM, puisqu'il faut remonter l'histoire. Il faut quand même savoir que Funkervogt c'est également les fondateurs de Dance or Die, paru il y a moult années, et qu'on écoute encore avec plaisir, en tout cas moi, chez moi, dans ma discothèque. Voilà, je vous propose un nouvel extrait. L'album est génial. On retrouve bien sûr un album contenant les nouvelles compositions de Bastian Polak. Et on retrouve également une tonne de remix. Je vous ai réservé un remix pour la semaine prochaine. En attendant, on va quand même pouvoir s'écouter une nouvelle composition de Funkervogt avec le titre Here We Are. L'album c'est Final Construct. Il est vraiment très très bon. Allez sur https://riporecords.de pour avoir toutes les informations nécessaires et vous procurer l'album dans différents médias. C'est parti pour la section de la semaine. Funkervogt, Here We Are. Galaxy. Nouveauté. Sélection sans peur et sans reproche. We'll be right back. podcast sur Mixcloud, Podcloud, iTunes, Deezer, archive.org et sur le replay de galaxyradio.fr. Sans pleurs et sans reproches. Funker Vogt, Final Conflict, nouvel album. Voilà, donc 10 titres, 2 nouvelles compositions. Je vous recommande bien sûr de vous procurer la version CD en double CD qui regroupe bien 9 remixes supplémentaires. La pochette est bien assez assez classique pour Funker Vogt. Hein. On voit donc un militaire masque à gaz en train de cramer sur un champ de bataille. C'est assez festif finalement. Joyeux. Ouais, ça met de l'ambiance, hein. Ça a l'air sympa. On s'est écouté comme nouvel extrait Here We Are. Je trouve que les derniers albums ont vraiment une qualité supérieure à une période un peu vaseuse, je trouve. Je vois ce que tu veux dire, notamment une période un peu faite de la saucisse comme ça qui était. Ouais, et puis très répétitif. Hein, après, ouais. Voilà, ils ont leur cahier des charges sonores. C'est vrai que même ce dernier album ressemble aussi au premier album. Finalement, il y a toujours un lien, même si le line-up a beaucoup changé. Voilà, un groupe fidèle en tout cas à leur musique. Et puis on finalement on les aime beaucoup. On les a vus plein de fois en concert et à chaque fois c'était vraiment très très sympa. Voilà, on trouvera un extrait donc la semaine prochaine, bien entendu, avec un remix cette fois-ci. On peut peut-être passer un petit agenda, Walter, si tu veux bien. Bah oui, tu commences ou... Bah écoute, moi j'ai que 2 dates, donc je vais te laisser... Oh bah écoute, tu vas me filer un petit coup de main, Jean-Luc, parce qu'on va parler de ce samedi au Pekkersfesten. Ouais, Pekkersfesten, is the game. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est tout près d'ici, parce qu'il y a nos grands amis, Fred et Davide, qui jouent ce samedi. Exactement. Donc Dagest va jouer en compagnie de Pure Cult, Erato, Velvet Mist, Agent Sidegrinder et She Passed Away. C'est bien ça. Ouais. Je me souviens très bien de la date où Dagest a joué avec Chipasto. Et là, ils font le grand écart sur une plus grande scène. Et franchement, bravo. Ouais. Le 3 juillet, il y aura au Soul Garden de Calais. Ce sera l'anniversaire de Ramsey. Il faudra peut-être qu'on y fasse un tour d'ailleurs. Et je vais sauter directement au mois d'août avec le 8 août. Il y a Crash Course in Science, Ultrasun, Fragment et une New Wave Classic Party à Lokeren. C'est le Phone Fest. Le lendemain, toujours Crash Course and Science qui joueront avec The Juggernauts à la ruche verrière de l'Odelinsar. Et ça, c'est une Norga Eder Agency. Le 3 septembre, il y a Ayamix au Black Lab. Sacrée date. Ayamix. C'est génial. Ouais, exactement. Et je voulais parler d'un festival qui aura lieu début septembre, mais comme on aura la coupure estivale, je voudrais en parler maintenant. C'est le NCN Festival, donc qui aura lieu du 5 au 8 septembre. À Leipzig, hein, apparemment c'est un très très beau festival et on aura très l'immense joie de participer, notamment avec Signal Out 42 qui est à l'affiche. Et autre groupe sur ce line-up, il y a Abu Nine, Dildos, Biband Beton, Dernière Volonté, Escape with Romeo, Frozen Plasma, Outjob, IMX qui jouera aussi à ce festival. Génial. Intent Out Tech, il y a Clang Stabil que j'adore. NNHMN, Northern Night, Orange Sector, enfin bref, Tank, Tension Control. Armageddon Lidos. Ouais. Et je répète, il y aura Signal Out 42, nous on jouera le samedi 7 septembre. Ouais. Juste avant la tête d'affiche, ce sera une très très très belle date. Apparemment, dans un lieu super, t'es déjà allé toi, Jean-Luc ? Non, mais je sais que c'est un très bon festival, apparemment. Bah, tu sais quoi faire en début septembre. Voilà, si j'ai un moment de libre, je monterai à Leipzig. C'est pas loin, après tout. Oui, c'est pas loin. La porte à côté. Il fera beau. Il fera beau. Ça va, alors. Tu pourras venir. Je viens. Voilà, écoute, c'est tout pour moi, Greg. Sur une date à ajouter, un événement que auquel tu aimerais aller. Le 2 novembre. Oui, tout à fait. Il y a une date à ne pas manquer, 2 novembre, c'est le Black... je ne dis pas de bêtises, Black, c'est quoi ? Aidez-moi. Le Black Festival. C'est au Black Lab, en tout Dark cas. Lab. The Dark Lab Festival, voilà. C'est au Black Lab, à Waskehall. Et il y aura Dagest. Il y aura, je ne sais plus. Dasich. Dasich, oui. Rosa Crux, ouais, exact, exact, Rosa Crux. Mais de toute façon, Fred devrait venir nous en parler ici. Ouais, voilà, Fred en parlera mieux que moi. Hein. Et ce qui synthétise tout cet événement, c'est aussi l'anniversaire de ses 50 ballets. Exactement, ouais. On y sera, hein. On t'attend de pied ferme, Fred. Tu viens quand tu veux, ma copain. Ouais. Très belle date. Et puis... la date du prochain collaboration Synpop 80 et Sans pleurer sans reproche, quand est-ce qu'on se refait une émission Quand vous voulez. Ah, quand vous voulez. Je croyais que tu allais annoncer la date. Là, le lundi. Faut qu'on trouve un créneau. Parce que là, dis-moi, c'est rare que je suis. C'est toujours difficile, mais. Non, si j'ai un lundi de libre ou bien un lundi où j'ai un horaire acceptable au travail. On peut se faire ça, ouais. Eh bien, écoute, moi, je vais ajouter deux dates. Le Festival de Dour, qui aura lieu du mercredi 17 au dimanche 21 juillet. Je vais faire un focus simplement sur la première journée, le mercredi 17, qui est essentiellement électro, avec pas mal de newcomers, plein de DJ, et également des choses très intéressantes. On commencera, bien sûr, cette liste avec I Hate Models, qui sera en collab avec Face to Face. Audimel, By Blade, Paula Temple, qui sera également en featuring avec une sorte de B2B avec SNTS, Céline Gina, Jersey, Raccoon et même le groupe Bagarre sera à l'affiche. J'irai pas à ce festival sans rater, bien sûr, les Babies Berserk qui sont annoncés. Donc voilà, c'est la petite coqueluche du moment dans mes playlists. On était les voir encore ce week-end à Amsterdam et je confirme, ils sont extrêmement géniaux. Voilà, c'est une pure tuerie, une vraie folie sur scène. Tout ça, ça se passe bien sûr le mercredi 17. Et donc applaudir les Babies Berserk. D'ailleurs, j'ai prévu un titre juste après en illustration. Et deuxième date, c'est bien sûr le festival Lokerfesten à Lokeren en Belgique. Comme le NCN que tu as annoncé, Walter, le festival s'est étoffé. Mais d'un seul coup d'une pléthore d'artistes. Et au départ, il n'y avait que Front de K2 et Vive la Fête, Sisters of Mercy. Et maintenant, on se retrouve à plus de 10 groupes sur deux scènes pour cette fameuse journée. Donc, du dimanche 4 août, c'est celle-là qui nous intéresse, puisque Front de K2 sera à l'affiche. Aux côtés, bien sûr, je le dis, de Vive la Fête, The Sisters of Mercy, mais également Arbeid, Adult, qui sont de retour. Hein. Ils ont sorti un nouvel album fin 2023. Je viens de le recevoir également en promo. Je vous ai sélectionné un morceau, vous allez voir, vous allez être surpris. Également à l'affiche, The Selector, The Damned. C'est quand même des trucs punk vraiment classiques, légendaires. Et il y aura une deuxième scène qui s'appelle le Club Studio Bruxelles, où vous pourrez retrouver Jao Hobel, qui jouera son album Metal Box, La Muerte, The KVB et Absolute Body Control. Voilà, tout ça, ça se passe le dimanche 4 août, mais donc ce festival se déroule sur, je crois, une dizaine de jours, du vendredi 2 août au dimanche 11 août. Voilà, n'hésitez pas à vous consulter toutes ces informations sur le www.lokersfesten.be. Voilà, pour illustrer tout ça, avant de passer à l'illustration d'ailleurs, petite info aussi, news pour Sans pleurer sans reproche. La semaine prochaine, nous allons également avoir l'occasion de recevoir Sébastien Deruet de Shiny Darkness, vous le connaissez. Mais il ne viendra pas faire la promo de Shiny Darkness, mais d'un nouveau projet qui s'appelle Cyclone Eye. Et nous serons les premiers à diffuser un titre de ce nouveau projet en exclusivité. Et on sera très heureux de recevoir à nouveau Sébastien dans les studios. Voilà pour les news. Rien à ajouter les gars? Bah non, écoute, si tu veux nous parler de ton week-end, ça va. Bah oui, non, je vous en parlerai à autour d'une poisson bleu. Tu veux. Je veux pas trop prendre de temps d'antenne, je préfère passer la musique. D'ailleurs, c'est ça que je m'en suis mis plein la tête, plein la panse, du Babies Berserk. Je les adore, ils sont de Amsterdam. Ils ont sorti un album éponyme. Ils évoluent de plus en plus sur un nouvel album. D'ailleurs, on a eu l'occasion de faire une interview au Volks Hotel où ils ont joué. C'était un truc assez fou. Enfin bref, je passe les détails. J'ai encore du mal à m'en remettre. En tout cas, moi, je vous partage cet amour que j'ai pour ce groupe avec le titre Glassy Towers, remixé par Chris Barr. Il s'agit d'un EP digital qui est passé. C'est le remix album en fait de l'album Babies Berserk qui est paru chez Toytonics. À savoir que là, ce n'est pas la voix de la chanteuse que vous verrez apparaître. C'était une collab entre deux personnes au départ et ça a évolué en trio désormais. Et on retrouve au centre, eh bien, une chanteuse qui est vraiment exceptionnelle. Là, en l'occurrence, vous allez avoir la voix de l'ancien collaborateur, le Canadien, qui est donc arrêté sa collaboration après la pandémie. Voilà, il a décidé de rentrer chez lui au Canada et abandonner ce projet. Repris de main de maître par le nouveau trio. Donc, Glassy Towers, remixé par Chris Bar. Ensuite, ce sera Arbide Adult. De retour, on a toujours passé le même morceau finalement, celle qu'on entend dans l'histoire Anywave, etc. Mais on avait publié d'ailleurs un Culture Wave et le groupe avait envoyé un petit message en disant mais bon, hey, on n'a pas fait que ça, ce qui m'a mis à la puce à l'oreille et donc j'ai décidé de contacter le groupe. Mais très gentiment, ils ont envoyé l'album et je suis vraiment très très content de vous le présenter ce soir. On s'écoutera le titre Happy Is Gin Netherlands et on terminera avec Michel Meurs, fondateur de Telex, un groupe qu'adule beaucoup Jean-Luc Marchal. Tout à fait. Et on va s'écouter le titre Qu'est-ce que tu veux, extrait de son nouvel album As Is, qui est sorti il y a quelques semaines chez Freakville. Donc on va s'écouter tout ça, puis on reviendra peut-être sur quelques détails avec Jean-Luc à propos de Michel Meurs. Il vient nous annoncer quelque chose qui est assez croustillant. C'est parti, Baby's Berserk, que j'aime, Arbide Adult et Michel Meurs. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça va vache. vacation, on vacation. l'agenda. On a commencé avec Baby's Berserk, première version avec Glacy Towers, remixé par l'Australien Chris Barr pour le remix album de Baby's Berserk par Toy Tonics. Voilà, l'aventure continue, un nouvel album est en préparation et j'avais pas le droit de le dire, voilà. Mais bon, je dis quand même. Bah, tu l'as pas dit. Ouais, donc, voilà. De toute façon, on a fait l'interview, là, c'est en cours de montage, et je sais pas si ça passera dans Sans Pleurs et Sans Reproche ou Culture Wave, ou les deux, je ne sais pas. En tout cas, on va faire un super petit report pour les Baby's Berserk. Ensuite, Arbeit Adult, acteur éminent de la scène New Wave en Belgique. Il s'agit d'un collectif de musiciens, d'artistes. Le titre s'appelle Happy is Gain Netherlands et c'est paru sur un label anversois Starman Records. Arbeit Adult sera donc également à l'affiche, je le rappelle, du festival Lokerzofesten le 4 août, un dimanche, avec Front de K2, Vive la Fête, Sisters of Mercy, Baby's Berserk, c'est le festival Dour, www.dourfestival.eu, le mercredi 17. Pour terminer, Michel Morse de Telex, hein. Et donc il a fait paraître l'album As Is, et on s'est écouté un titre qui s'appelle Qu'est-ce que tu veux, chanté en français avec une musique électronique vraiment, vraiment rétro, à savoir que sur cet album on retrouve deux collaborations, notamment avec Dan et également la chanteuse de Propaganda, Claudia Brücken. On parlait de cet artiste depuis de très très longs mois, voire des années, avec Jean-Luc Marchal. Je sais que tu avais l'ambition de faire une interview de Telex aussi. Hein. Oui, j'aimerais bien, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Avec un petit coup de pouce de Sans Pleurs et Sans Reproche. Peut-être, hein. Peut-être, ouais. Ça te dirait ? Ouais, ça me dirait, ouais, ça c'est clair. Tout ça, c'était envoyé en promo et c'est paru sur Freaksville, qui est distribué par Red Sound Promo. C'est l'agence de Gary Levermore, ancien activiste aussi au sein de Roadrunner Records, Third Mind. Third Mind, ouais. Voilà donc pour cette petite séquence. On va terminer l'émission, il est 45, il nous reste un petit quart d'heure. Et les copains de Sound4 Massive sont déjà arrivés. Donc je te propose peut-être de lier nos deux séquences pour cette fin d'émission. Je te laisse démarrer. Ouais, on va retrouver deux personnes qui sont complètement ravagées, qui se cachent derrière le nom de Diesel Dudes. Ils vivent aux États-Unis à Oakland, et ils sont complètement obsédés par l'état musculaire masculin. Et nous envoient cet album qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle New Muscles. Il déglingue les clichés EBM, Saxon Alt. Par exemple, il prône la musculature développée, mais franchement, quand on les voit sur scène torse-poil, on peut pas dire qu'ils en fassent beaucoup. Ce groupe est vraiment une succession de clichés démontés, et leur musique est top, excellente. En 2013, ils avaient sorti l'album Born Brut. En 2014, Hercule Initiatives. Et en 2023, donc New Muscles. C'est une nouvelle lecture de l'EBM, et celle-là, elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. À diffuser sans hésiter durant vos séances de sport. J'ai pas voulu diffuser les mêmes morceaux que mes camarades, hein, d'autres podcasts comme Electromatisme, Extérieur Mix ou les Cyberland, parce qu'on a le choix sur cet album, tout est vraiment excellent. On s'écoutera le morceau Farm to Factory. On continuera avec une nouveauté de Shout Offline, c'est Combi Christ, leur album, cinquième album, qui est un acronyme avec leur consonne, pardon. Ça s'appelle donc Combi Christ. C'est un album découpé en deux parties, je veux dire en deux CD. Le premier est composé de puissantes pistes métal, mais pas que, parce qu'il y a pas mal de parties synthétiques aussi. Et surtout le second CD, qui est une collection d'instrumentaux censés vous foutre la trouille. Je veux dire en référence à des atmosphères dignes de jeux fantastiques mêlés à des films d'horreur. C'est paru en box, hein, hyperbox, vinyle, CD, etc., etc. On s'écoutera le morceau Modern Demon. Chez Out of Line, c'est ça ? Ouais. Ah, j'ai reçu l'album, mais que l'album, en fait, en promo. Ouais, franchement, il y en voit. Ouais, ouais. Qu'on aime ou qu'on aime pas le métal, enfin bref, ça c'est une chose, mais quand on les voit, notamment sur scène, ça désingue tout. Il y en a pris des tatouages, quand même. Ouais. Je sais pas s'il lui reste un centimètre carré de peau, d'ailleurs, à ce monsieur. On terminera cette séquence avec Last Influence of Brain, le morceau Smile, de l'album Two Faces. J'ai enfin pu terminer l'écoute de la bonne vingtaine de promos que Peter m'a envoyé de son label Aliens Productions. On retrouve donc ce trio slovaque, hein, Last Influence of Brain, qui avait sorti cet album Two Faces en 2009. C'est leur troisième album. Avant, ils en avaient sorti un en 2003 chez Black Flames, puis en 2007 chez Vendetta Music. Et depuis, ils ne quittent pas Aliens Productions, et c'est tant mieux. Ce troisième album Two Faces et déjà rempli de fortes empreintes électro-dark incroyables avec des influences Skinny Puppy comme on les adore. Ce sera le morceau Smile. Bah écoute, on va terminer là-dessus puisque finalement ma séance ne pourra pas passer, c'est pas possible. Désolé. Je vous la réserve pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Les copains de sans pharmacie sont là, donc c'est. Donc voilà, priorité bien sûr au reggae. L'occasion de nous remercier encore une fois Jean-Luc Marchal d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Tu reviendras. Ah, tu reviendras. Ouais, on se refait une spéciale. Ça va, on se fait une spéciale. Génial. Moi je rappelle également que la semaine prochaine, encore des invités, notamment Sébastien Desruets, qui présentera son nouveau projet Cyclone High en exclusivité. Et dans Sample Restaurant. Ce sera la dernière de la saison, je pense. Peut-être bien que je ferai un peu de rab, parce que j'ai, comme toi aussi, acquis pas mal, j'entasse des super projets. On verra alors. Mais okay. Je pense qu'on va déborder peut-être deux semaines. Tiens. C'est parti, bonne soirée à tous. On vous laisse avec Sound for Massive. Bonne semaine, prenez soin de vous et on se trouve la semaine prochaine dès 20h sur Galaxy Radio pour une nouvelle édition de Sans pleurs et sans reproches. Sans pleurs et sans reproches. Bye bye. Music Remains on Tour.